personnes qui sont dans la misère, de ces gens qui sont affamés et que personne ne les aide. Tout le monde ferme les yeux, j'ai mal pour ces malheureux. J'aimerais qu'ils soient heureux, ils veulent juste qu'un espoir, rien qu'un espoir pour guérir, rien qu'un espoir. Pour qu'ils puissent souffler, pour qu'ils puissent évoluer, enfin qu'on les voit. J'en ai marre de cette crise, on ne s'en sort pas vraiment, on ne peut plus rien y faire, la misère est bien présente. Rien qu'un espoir pour guérir, rien qu'un espoir. Mais qu'est-ce que ça va changer? Je ne veux plus qu'ils pleurent. J'ai un message à passer à ces gens au